Agence matrimoniale de Laetitia Bianchi. Épisode 5. Les bibliothèques. Les agences matrimoniales sont bêtes. Elles cherchent les affinités littéraires. Il aime lire, elle aime lire, le même genre de siècle, le même genre d'auteur, c'est plié. Les premiers baisers, l'amour toujours, ça y est. Victoire, ils sont chez IKEA. Ils s'installent ensemble, enfin. Le lit essayé, les rideaux posés, vient le moment de ranger sa bibliothèque. Et là, c'est le drame. Elle le découvre alphabétique et tatillon, il la trouve fantasque et bordélique. Discussion, exaspération, séparation. Dorénavant, c'en est fini de ces malentendus. Vous lui tendez 3 cartons de livres de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Il a 3 jours pour les ranger dans le bon désordre. Moi, mes livres, c'est pas très original, hein, vous allez me dire. Je les range par pièces, comme Henry Miller. Tout le monde connaît lire au cabinet, hein, de Miller. Mais moi, je dis pas, il y a lire au salon ou lire au cabinet. Non, c'est binaire, ça, comme répartition. Le salon ou les chiottes, c'est simpliste. Moi, mes livres, ils vivent par lieu. Alors oui, il y a les livres salon, mais il y a aussi les livres salle de bain, les livres chambre. Et dans la chambre, les livres étagères ne sont pas les mêmes que les livres terre et les livres lit. Ceux qui sont si près de vous la nuit que vous dormez, pour ainsi dire, avec. Et quand ils déménagent, les livres, à l'intérieur de la maison, parce que parfois ils déménagent, ils partent en voyage d'une pièce à l'autre, eh bien, ça fait un petit quelque chose. Moi, je les range par titre. Je ne les lis pas trop, mes livres. Non, vraiment, je ne les lis pas du tout, en fait. À part leur titre, bien sûr. Personne ne les lit, en fait, les livres. C'est du pipeau, les bibliothèques des gens. Tu rentres chez quelqu'un et là, paf, la bibliothèque. Bam, tu t'en prends plein les mirettes. Et le rayon histoire, le rayon beaux-arts, et le rayon poésie, et le rayon anthropologie, et le rayon biographie. C'est beau, c'est imposant, ça en jette. Mais moi, je n'y crois plus. Désolé pour nos jeunes auditeurs, c'est peut-être pas des choses à dire à des heures de grande écoute, mais c'est vrai. Je n'y crois plus. Les livres, ça s'achète. Et ça s'achète comme une robe, sur une forme, un titre, une couleur, une épaisseur. Les mots à l'intérieur, c'est autre chose. Je ne dis pas que c'est impossible de les lire, non, je ne dis pas ça. Mais je dis que c'est rare. Alors oui, c'est vrai, il y a des livres, des étagères de livres avec leurs titres. C'est d'ailleurs une mode de l'époque, le titre. Moi, j'assume. Le titre me suffit. Si je les ouvre, ils me tombent des mains. C'est comme des boîtes en faux-stuc ou un décor de faux marbre. C'est un petit bout de poésie. Ça pourrait être « Jamais on a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats ». C'est du même ordre. Quelque chose qui sonne et qui nous poursuit. Le titre me donne comme une mélodie de l'époque. Alors je les range par titre. Les phrases nominales, les alexandrins, les noms de personnages, les lieux. On est dans un siècle poétique, mine de rien. Moi, je les range en médecin. Poison, antidote. J'ai rangé le malade imaginaire à côté du poisson scorpion de Bouvier. Les paranoïaques à côté des altruistes, les égoïstes à côté des généreux, les peureux à côté des aventuriers. Contre le flanc de chaque prix Goncourt de l'année, je mets un Swift ou un Lichtenberg pour qu'ils leur abattent le caquet. Les propres à côté des sales, l'érotisme à côté de la morale, juste pour les emmerder, juste pour leur faire peur à tous les deux, juste pour qu'ils se croisent d'un air gêné chaque matin. Évidemment, les gens qui viennent chez moi n'y comprennent rien. Ils trouvent ça en désordre. Je leur dis non, c'est pas en désordre. Ça s'appelle faire les présentations. Moi, avant, je les rangeais plus ou moins par taille. Un peu comme tout le monde, d'ailleurs. Les poches avec les poches, les normaux avec les normaux, les gros avec les gros. Jusqu'au jour où, en regardant mes livres d'art, j'ai eu l'impression de voir le club des obèses. Je me suis dit, c'en est trop. Trop lourd, trop gros, trop grand, trop beau. L'étagère va flancher. Alors j'ai fait ma petite révolution, ma loi SRU, ma mixité sociale. Concrètement, ça donne que mes 300 ans de peinture italienne, je les ai mis au milieu de mes romans policiers, comme le noyer au milieu du champ faisant de l'ombre à ses futilités et nous montrant le bon chemin lorsqu'on doit se reposer de toutes ses vanités et de tout ce sang. Le petit poche jauni, le petit poche de rien du tout, tant lu, relu, oublié, relu, je l'ai mis sur la tête du grand Larousse encyclopédique en 10 volumes, et on ne voit plus que lui. Quand il rentre dans mon bureau, c'est bien simple. On ne voit que lui, perché sur l'immensité du savoir et des mots. Les gens me disent « C'est qui, lui? T'as oublié de le ranger ?» Je dis « Non, c'est sa place. Il s'est posé là, comme se pose un oiseau sur le dos du rhinocéros. Vous savez, les oiseaux à bec jaune ou à bec rouge, le rhinocéros, ça ne le dérange pas. Au contraire. Et le pique-bœuf, pique-pique avec son bec rouge, il le débarrasse du poids des choses. Eh bien, mes petits poches, sur le grand Larousse encyclopédique en 10 volumes, eh bien, mes petits poches, c'est pareil. Pique-pique-pique. Et on ne voit que. On ne voit que. Si différent, si petit, si faible et si lumineux, qui aide à vivre les grands dictionnaires qui ne serviraient à rien s'il n'y avait pas eu un jour un petit livre de poche à lire avec des mots nouveaux dedans. Moi, je les trie. Ce à donner à des amis, ce à donner à des amours, ce à donner à des ennemis. Ce à donner à des ennemis, ce sont même ceux que je préfère. Vous savez, les gens qui lisent les livres jusqu'au bout, bien sérieusement, en croyant qu'ils sont encore sur les bancs de l'école. Ceux qui croient qu'il leur reste tellement d'années à vivre qu'ils peuvent les passer à lire des livres qu'ils n'aiment pas. À caresser des femmes qu'ils ne désirent pas. À manger quand ils n'ont pas faim. Je leur dis, lis-le, vas-y, lis-le jusqu'au bout. Sois sage, fais comme à l'école. Lis bien chaque ligne. Ils perdront du temps. Ils en ressortiront rapetissés, fatigués. Vaguement lassés du monde. Ils se diront, c'est donc cela ce qu'il nous faudrait aimer. C'était donc cela, vieillir, lire des livres qui ne nous font plus rien, ou alors si peu au coin du cœur. C'était donc cela, la perte de l'enfance, de ces mots nouveaux que l'on dévorait pendant des heures invisibles. Et ils le croiront, mes ennemis. Et semaine après semaine, ils liront ces livres qui ne leur font plus rien, et ils perdront de leur précieux temps. Caler au fond de leur certitude de lire le dernier livre qu'il faut avoir lu. Et ce sera ma vengeance. Agence matrimoniale de Laetitia Bianchi. Avec Marlène Goulard, Francky Pin, Anouk Ferral, Jean-Charles Disazzo, Patrice Bornand, Jean-Jacques Chollet. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Équipe de réalisation Pierre Mine, Manon Houssin, Clémence Grosse, Laurie Goroff.